Dernier contrôle à New York, tout gros gratte à pas, tout maman pour gratte à pas. C'est pas chita devant télévision blanche, oh oui chérie, m'a rien mon poulet, pour me botte l'argent bas ou, mettre sous lui encore, méchant doux.